Vaut mieux avoir que prévoir, ce n'est pas faux. Pourquoi le gratuit n'est plus gratuit ? Pourquoi le gratuit n'est pas gratuit ? C'est exactement comme la poule et l'œuf. Tout se paye, même quand c'est gratuit, sur Internet, il y a tout le temps derrière un profit à faire. Quel est le pire défaut des gens ? C'est l'hypocrisie, c'est l'argent qui mène le monde, tu connais. C'est quoi ton travail ? J'ai été longtemps dans la manœuvre, puis je me suis spécialisé dans l'électricité. Et actuellement, je suis en reconversion professionnelle dans l'informatique. Je veux devenir dessinateur, monteur sous Photoshop. Tu as fait des études ? Oui, tout à fait, CAP et Bac Pro Elec. D'ailleurs, je vous renvoie sur Monsieur Bricolage. Décris-nous, c'est quoi le travail pour toi ? Le travail, c'est simple, c'est travailler mais sans trop. D'abord la santé, après si tu le fais pour toi, ça te regarde. Quelles sont les trois avancées les plus importantes en 2020 pour toi ? Tout simplement l'ordinateur quantique en 1, l'IA en 2 et les drones pour les vidéos, c'est juste magnifique. Sur internet, tu regardes quoi ? Sur internet, je regarde beaucoup l'actualité, mes mails, YouTube et Wikipédia de temps en temps. Internet en un mot, tu le décris comment ? En un mot, je vais dire de droite, parce qu'il n'y a plus cet esprit-là, cette magie qu'il y avait en 2000. Est-ce que tu bouquines ? Ça m'arrive de temps en temps de prendre un livre tranquille, mais je suis plutôt dans les bouquins système, réseau et internet, tu vois, tout ce que j'approche à la nouvelle technologie. Après, lire un roman ou quoi, c'est pas mon truc, quoi. Bien, on en sait beaucoup plus sur toi. Gardons une part de mystère sur celui qui se cache derrière la mafia. Et sans plus attendre, écoutons, la nature reprend le dessus et enchaînons avec PMI, ce n'est pas permis.